FD, yo, F that, back to back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back. Le fruit de ma naissance, le fruit de ma naissance vient de ma condescendance. Alors danse, hein. Pas de corps, pas d'esprit, juste une mélodie. Je mets les crédits comme une maladie. Si je vis, c'est grâce au fruit. Démocratie, on sursit. Si je t'explique le contexte, faut que ça cogite à l'aide des textes. Le beat est mon coup de beat, et moi ton parasite. Yo, qui suis-je? Devinette, pour l'étiquette. Ouette, ouette, à toi. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Toujours pas de déclic. Tout ça mérite un 10. Le compte à rebours est déjà lancé. Arrivé à 10, j'extermine. Je décide, comme la malice d'une mine. Boum, boum, trop tard. Je suis cette grippe sonore qui agrippe son dard et défuse son art. Trésor, on autarcie dans ton corps. Tu me perçois comme une hérésie. Je suis cette malaria qui ne s'arrête pas. Ha-ha. Je suis cette malaria qui ne s'arrête pas. Ha-ha. Une pandémie indéfinie. Je suis free. C'est ça ma condition, être à contre-dents face à la constitution. Alors pense, je suis un contre-sens, un contre-courant. Indépendant, je suis omniprésent. Présent dans tes tapants, parfois violent. Je suis un contre-poison, un contre-point, un contre-champ. Une contre-baffe qui explose dans tes baffes. Je suis un contre-poids, je porte ta foi. Je suis une conversion, une contre-révolution. Je suis un son, c'est ça ma condition. Une contradiction entre le réel et le rêve. Une contradiction, voilà ma fonction. La contestation, cette flamme qui a incendié ta vie. Celle qui te met en hystérie. Dis quand tu suis fort et tu foques et que tes pieds se bloquent. Tu crois que c'est qui? Quand ta voix cadence, que ta tête balance, que ton corps devient mouvement, c'est moi qui t'intoxe. Mais tu crois que c'est qui, mec? J'intoxe, je suis ce virus qui contamine ton cérébral, se partage dans tes cervicales et se transmet par voie orale. J'intoxe. J'intoxe. Le fruit de ma naissance vient. J'intoxe. Le fruit de ma naissance vient de ma condescendance. Alors danse, hein. Pas de corps, pas d'esprit, juste une mélodie. Dis, je mets des crédits comme une maladie. Dis, si je vis, c'est grâce au free. Démocratie, on sursit. Dis, je t'explique le contexte. Faut que ça cogite à l'aide des textes. Le beat est mon coup de pied et moi ton parasite. Yo, qui suis-je? Devinette, pour les petites cliquettes. Pouette, pouette, à toi. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Toujours pas de déclic. Tout ça mérite un 10. Peace. Voilà ma théologie. Si tu pars en vrille et que tu papilles, c'est que t'as la grippe. Yo, je suis une conception. À mi-chemin entre l'encre et le papier. Indélébile pour le quartier. Ultime free, aussi aiguisé. Bankai. Voilà ma lame de samouraï. Aussi imperceptible qu'une attaque d'une jaya. Je suis un souffle sonore, aussi libre que l'air. Je suis l'air que mon créateur a germé. À l'aide d'un mec imaginaire. J'accouche mes pas de pied sur le papier. J'invoque la fierté de celui qui m'a créé. Annonciateur d'une nouvelle ère. Mon secret est de t'enchanter. Qui n'est pas l'équivoque. On ne me perçoit pas, on ne me voit pas. Est-ce clair? Mais quand je recèle sur ta peau, je peux être aussi dangereux qu'une érysipèle. Si j'explique t'es clair, je sais que tout ça t'interpelle. Je te parle tout simplement de maladie qui se propage des millénies. C'est ça ma mélodie, c'est ça ma mélodie. J'intoxe. J'intoxe. J'intoxe. Le fruit de ma naissance vient. J'intoxe. Le fruit de ma naissance vient. J'intoxe. Le fruit de ma naissance vient de ma condescendance. Alors danse, hein. Pas de corps, pas d'esprit, juste une mélodie. Dis, je mets les crédits comme une maladie. Dis, si je vis, c'est grâce au fruit. Démocratie, on sursit. Dis, je t'explique le contexte. Faut que ça cogite à l'aide des textes. Le beat est mon coup de pied et moi ton parasite. Yo, qui suis-je? Devinette, moi les petites claquettes. Pouette, pouette, à toi. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Toujours pas de déclic. Tout ça mérite. fuck l'indice. Je m'exprime, je t'explique, je m'implique, j'exerce, j'accerbe, j'accuse, je récuse, j'abuse du verbe. Trop d'idées fusent pour faire un proverbe. Je suis une effusion, je suis une diffusion, je suis une transmission. Ma source d'inspiration se fait par voie d'empathie ou d'apathie. Cela dépend de l'humeur de mon créateur, fait de génie ou de folie. Je suis donc une émotion, une émission. Mon style est une émotive qui active le mouvement, motive à se battre pour une cause, à débattre, à combattre autre chose, à abattre la répression. Voilà la conséquence de mon existence, celle qui amène ta convalescence. Je suis une voix, je suis la voix à la contestation. C'est le flamme qui incendie ta vie et purifie ta vie. J'intox ta pensée, j'intox ta raison, j'intox le mouvement, j'intox le virus HH, le fruit de ma naissance, HH, le fruit de ma naissance.